Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, nouvelle écoute, Black America, cette fois le feu. Une série de François-Xavier Trégan, réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, enregistrée en 2016, il y a le mouvement Black Lives Matter et la colère qui monte à chaque Afro-Américain tué par la police, quelles que soient les circonstances. Alors maintenant que se termine le mandat de Trump et peu après la mort épouvantable de George Floyd, il faut prendre le pouls de cette Amérique noire qui ne veut plus entendre ces mots « I can't breathe ». Alors pour commencer, les personnages. Des juristes déterminés, une veuve en colère, un réalisateur militant, des étudiants engagés, des acteurs culturels qui rassemblent. Ensuite, le décor. Des cinémas, des théâtres, des galeries, des campus, des réunions, des salles de montage, des studios, Harlem et la musique. Aujourd'hui, dernier épisode, ça résonne encore. Et nous voilà au milieu de la courbe, pris au piège dans le plus voyant, le plus coûteux, le plus invraisemblable toboggan que le monde ait jamais connu. Il nous faut agir maintenant, comme si tout dépendait de nous. Faire autrement serait un crime. Si nous nous montrons dignes, et par nous, j'entends les blancs relativement conscients et les noirs relativement conscients, qui devons, tels des amants, faire pression sur ou créer la conscience des autres, peut-être la poignée que nous sommes pourra-t-elle mettre fin au cauchemar racial, faire de notre pays un vrai pays et changer le cours de l'histoire. Si nous n'avons pas, et dès aujourd'hui, toutes les audaces, l'accomplissement de cette prophétie, reprise de la Bible dans une chanson écrite par un esclave, est sur nos têtes. Et Dieu dit à Noé, « Vois l'arc en le ciel bleu, l'eau ne tombera plus. » Il me reste le feu. La prochaine fois, le feu. James Baldwin. It's now. We're really heavily in the middle of the next big civil rights movement. Right now is the time to change, and I think that's happening. Black Lives Matter. Les vies noires comptent. La communauté afro-américaine a un slogan. Le slogan est devenu un mouvement. Aux États-Unis, la deuxième vague des droits civiques est en marche. À travers le cinéma de fiction, à travers le documentaire et les musiques, toutes les musiques, les noirs continuent de tracer la route ouverte par leurs illustres prédécesseurs quelques décennies plus tôt. Avant de mourir sous les coups de la police, Eric Garner avait répété, presque chuchoté, « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». Nous vivons et nous comptons, crie aujourd'hui la communauté afro-américaine. I can't breathe, je ne peux pas respirer. Un documentaire de François-Xavier Trégan et Rafik Zénine. And Mrs. Gardner, in regards to the cigarette buying and selling, the defense counsel went into some detail as to him going down to Virginia buying the cigarettes. You recall that question? Yeah. Okay. And in buying those cigarettes, there was no violence involved in purchasing those cigarettes to bring them up to New York, right? No. Okay. And he also sold those cigarettes on the street corner, as defense counsel had highlighted on many different occasions. So my name is Roy Messinger. Donc je m'appelle Roy Messinger et le film s'appelle American Trial, un procès américain. Il est toujours en phase d'écriture puisque nous ne l'avons pas encore filmé. A little bit of footage that's supposed to Ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est présenter un petit bout de séquence qui est censé expliquer le sujet du film et attirer un peu l'attention des investisseurs. Alors l'idée du film, c'est, je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers avec l'affaire Garner à propos du problème de la violence policière aux États-Unis, mais en gros, il s'agissait d'un homme noir désarmé qui s'est fait tuer par étranglement à Staten Island par un officier de police blanc il y a 2 ans. Et à la consternation de beaucoup, beaucoup de gens ici à New York et à travers les États-Unis, l'officier de police qui l'a tué n'a pas été inculpé. En fait, il est toujours policier, il fait toujours partie du personnel du NYPD, New York Police Department. Et ce que je me suis dit quand j'ai entendu qu'il n'y allait pas avoir d'inculpation suite à la mort d'Eric Garner, c'est que ça ferait un film très très intéressant en imaginant à quoi un procès aurait ressemblé s'ils avaient décidé de l'inculper. Je viens de la fiction, pas du documentaire. Et bien sûr, la manière la plus basique est d'écrire un script, de trouver un acteur pour jouer le procureur, un autre pour jouer l'avocat de la défense, et qu'il joue le scénario rédigé. Et je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus intéressant de montrer ce qu'aurait pu vraiment être le procès. Et parce que c'est une affaire encore récente, j'ai pensé qu'on pourrait même avoir les vraies personnes qui auraient témoigné si le procès avait eu lieu. Il y a un médecin légiste qui a rédigé le rapport sur les causes du décès. On pourrait vraiment le mettre sur scène et on pourrait le questionner. You could actually put the medical examiner on the stand and you could actually question him. On pourrait trouver de vrais avocats, on n'aurait pas besoin de rédiger un script et de réfléchir par nous-mêmes aux questions qui auraient pu être posées. On peut prendre un avocat pour la partie civile, un autre pour la défense, et il ne reste plus qu'à fixer le cadre et les laisser jouer. Et je crois que cela promet un format bien plus intéressant, ainsi qu'un film bien plus intéressant, je l'espère. Donc ça, c'est le principe de base, c'est l'idée. Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons montrer une scène potentielle qui pourrait être conservée dans le film. Donc vous avez vu Iso, la veuve d'Eric Garner, elle va être un témoin pour le procureur et un témoin de moralité. On va avoir un avocat qui va intervenir et lui poser des questions, puis le procureur, et en gros, il va essayer de convaincre qu'Eric était un bon père de famille, un bon mari, et qu'il n'était pas le criminel violent qu'on l'accusait d'être. Et l'avocat de l'officier de police va tenter de prouver le contraire. Et la question, c'est de se demander qu'est-ce qui est le plus convaincant. Et bien sûr, dans le contexte d'un procès intégral, il s'agit là d'un seul témoignage parmi l'ensemble des témoignages. Given that this is New York City, specifically Staten Island, there's probably no shortage of Italians either. Is that right, Ms. Garner? No, you've got that right. I have no further questions, Your Honor. Thank you. Thank you. Any redirects? Je m'appelle Jessica Green et je suis la directrice du cinéma Maisels à Harlem, qui a été fondé par feu Albert Maisels, une légende dans le monde du documentaire. Jessica, que pensez-vous de ce projet documentaire dont nous venons de voir un court extrait en avant-première ce soir? Oui, ce projet, An American Trial, est très puissant. C'est pour cela qu'on le soutient et pourquoi nous avons créé ce programme. Cette avant-première est une sorte de test pour voir l'intérêt qu'il suscite chez les gens, quelles sont leurs questions, et c'est un projet réellement créatif et original. It's a really creative, imaginative project. It's always really productive and powerful. C'est toujours très productif et puissant d'imaginer ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas eu lieu, et de le soumettre à une réalité. Ça, c'est une tentative de, vous savez, s'il y avait eu un procès pour la mort d'Eric Garner, le meurtre d'Eric Garner. Et oui, nous espérons que ce projet se développera et que l'on y prendra part et qu'il va s'épanouir et trouver un public. C'est un projet très visionnaire et on est enthousiaste. Nous avons rencontré à Harlem des écrivains, des musiciens, des poètes. Ils nous ont parlé des mouvements comme Black Lives Matter et à quel point il était important pour eux de participer à ces mouvements en écrivant, en faisant de la musique. Vous-même, vous êtes responsable d'un cinéma ici à Harlem. Comment vous insérez-vous dans un tel mouvement? Harlem has a long, long, long history. Harlem a une longue, longue histoire de vigoureux et rigoureux débats politiques et de discours. Harlem a une longue histoire de production artistique incroyable. C'est un échange, une conversation. On apporte quelque chose à Harlem tout autant que Harlem nous apporte. Et on est fiers de se considérer comme faisant partie d'une longue tradition dans laquelle nous venons d'entrer. Proudly in a long tradition that we are just entering into. The tradition was already here. La tradition est déjà là, cette sorte de conversation honnête et de débat politique et culturel. Ça existe depuis tellement longtemps à Harlem. Par exemple, le week-end prochain, nous organiserons la 8e édition annuelle du Black Panther Film Festival. En 2016, c'est le 50e anniversaire du Black Panther Party. Le parti politique des Black Panthers a précisément commencé pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons que ce pourquoi Black Lives Matter a été créé. Alors il y a 50 ans, les Black Panthers ont créé le Black Panthers Party pour les mêmes raisons, en réponse à une pratique policière. Donc 50 ans après, c'est maintenant la version 21e siècle de ce mouvement qui remonte à très loin et qui a une longue histoire à Harlem. Le Harlem Black Panther Party était très puissant. Aujourd'hui, Black Lives Matter est très puissant à Harlem. Donc je le vois comme appartenant à un continuum au sein d'un débat autour de cette riche et longue histoire et nous sommes chanceux d'en faire partie. Je crois que si vous travaillez à Harlem, vous faites partie de quelque chose qui était là bien avant que vous n'arriviez. Et c'est extrêmement productif et touchant de se voir ainsi appartenir à quelque chose qui a commencé bien avant vous. Diriez-vous, Jessica, que Black Lives Matter est un mouvement des droits civiques aujourd'hui aux États-Unis? I think Black Lives Matter is incredibly powerful and potent. Tout à fait. Je crois que Black Lives Matter est incroyablement puissant et essentiel. Plusieurs choses sont en train de se passer. Par exemple, la relation entre l'activisme et la technologie. Le mouvement des années 1960 coïncidait avec l'avènement de la télévision et l'information à la télé et les types de vidéos que tout le monde a vues autour du mouvement des droits civiques aux États-Unis, autour de la guerre du Vietnam. C'est tout connecté. La même chose se passe avec Black Lives Matter autour d'Internet. Internet est le nouvel instrument technologique qui est en train de tout structurer. Enfin, pas de tout structurer, mais ça a un rôle énorme. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de choses se passent avec Black Lives Matter, qui est, je crois, très puissant et vraiment durable. Et il s'agit tout autant de nos racines, des communautés locales, que des communautés Internet et ce genre de communautés qui existent et se forment sur Internet. Beaucoup d'idées de Black Lives Matter sont des choses qui nous ont été enseignées par les Panthers et la génération des années 1960 qui ont influencé notre perception de ce qui arrive aux communautés de couleur quand il s'agit de la police. C'est aussi quelque chose que j'ai moi-même commencé dans ma carrière quand je travaillais pour un magazine hip-hop. Donc c'est quelque chose que le hip-hop m'a très tôt appris. Vous savez, il y a des mixtapes entières qui sont des chansons à propos des interactions avec la police. Donc la musique hip-hop, Public Enemy par exemple, ça c'est quelque chose que vous apprenez très tôt si vous vous intéressez au hip-hop et que vous le suivez. C'est une éducation que vous recevez. Pour moi, ce que je trouve incroyable à propos de Black Lives Matter, c'est qu'auparavant, il y avait cette idée de politique, de respectabilité que des gens refusaient parce qu'ils disaient « Eh oh, cette personne, elle a fait ci et puis elle a fait ça. » Eh bien, ils vendent la drogue et tout n'était pas parfait, donc les gens se laissaient un peu faire ou intimider. Alors que Black Lives Matter dit « Non, tout cela est hors sujet, il s'agit de droits humains basiques, de la dignité humaine, du droit à vivre, du droit à être en vie. » Erika Dilde est la directrice exécutive du cinéma Meisels à Harlem. Donc ici, on fait du cinéma communautaire. On montre des films, on fait des documentaires et on enseigne la création documentaire à des jeunes gens issus de milieux défavorisés. Ils font toutes sortes de films. L'un de nos programmes les plus importants est destiné aux jeunes ayant été incarcérés ou ayant eu affaire à la justice, parce que ça leur offre une opportunité de trouver leur propre voix et d'apprendre à parler en leur nom, d'apprendre à être fiers d'eux-mêmes, parce que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient pas défendre leur propre personne, et ils apprennent cela ici. Et nous sommes à Harlem, au croisement de Lenox et de la 127e rue. C'est pourquoi on fait ça ici, on est au cœur de Harlem. Et la plupart de nos enfants viennent de Harlem et du quartier sud du Bronx. Je veux dire, c'est aussi à prendre en compte, on travaille avec beaucoup d'enfants. Juste au bout de la rue, il y a un HLM appelé The Grand Project et il y en a un autre appelé The Manhattanville Project. Et les enfants de ces deux cités se battent beaucoup. Et l'une des choses que l'on a fait était de commencer à travailler avec eux, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de violence et beaucoup de morts. Et nous avons commencé à travailler avec eux, notamment en amenant des enfants d'ici pour aller faire un film à propos de la violence armée qui, à l'hôpital d'Harlem, sont montrés aux enfants qui sont admis parce qu'ils ont été poignardés ou se sont fait tirer dessus ou qui ont participé à un combat de gang, afin de leur montrer à quel point il est futile de s'engager dans tout ça. Nous avons eu des anciens membres de gangs venus leur parler via la vidéo pour leur expliquer que ça ne mène à rien. D'ailleurs, nous avons gagné plusieurs prix pour cette vidéo qui a été faite par des jeunes gens parlant d'autres jeunes gens qui ont fait partie de la violence de gang. Et l'hôpital l'utilise parce que c'est le centre de soins le plus proche de nous, ici, au croisement de Lenox et de la 135e avenue. Voilà, suivez-moi, je vais vous montrer un peu plus ce que nous faisons ici. Attendez, je crois qu'il n'y a qu'une poignée d'étudiants en train de travailler maintenant. Donc là-bas, au fond, c'est là que les étudiants travaillent sur l'édition de leurs travaux. Voyons voir. Voici Jaden. Jaden, est-ce que tu veux bien parler un petit peu à... Salut, je suis un boursier Van Leer et ce que nous avons fait, c'est un programme sur 2 ans. Et donc, ils nous ont aidés à produire notre propre documentaire. J'ai choisi de faire le mien sur le Bronx, sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lieux artistiques dans les quartiers pauvres et tout. Donc, j'ai suivi mon sujet et j'ai juste récupéré une vidéo d'elle en train d'en parler, en train de montrer de l'art et des trucs comme ça. Pendant l'été, on a fait un sujet sur KCC, qui est en fait une personne qui est en lien avec Maisel, c'est son grand-père, faisait partie du Black Panther Party. Donc, nous avons fait un documentaire sur elle. Quel âge as-tu ? 17. Je viens d'avoir 17 ans. Et tu vis dans le Bronx ou à Harlem ? Oui, je vis dans le Bronx. Comment est la vie à Harlem, dans le Bronx ? Il y a des différences ? Non, pas vraiment. C'est la même chose. Je crois que ça se ressemble beaucoup. Je veux dire, le South Bronx et Harlem sont des quartiers très similaires. La plupart de nos étudiants, je veux dire, parfois des gens de Harlem ou du South Bronx vont dire « Oh, ce n'est pas la même chose ». Mais pour moi, ils sont très proches. C'est beaucoup de va-et-vient entre ces deux quartiers. Personnellement, je ne ressens pas de frontières entre eux. Mais je ne sais pas si toi, oui. Je veux dire, même comme je marche comme ça dans la rue, pour moi c'est tout pareil. Ouais. Thank you. Good luck for you. Thank you for your work. And the woman that he's doing. La femme avec qui il fait son sujet en ce moment. Son père était un Black Panther. C'est une histoire intéressante. Elle travaillait avec nous avant à Maisel's et son père était suspecté d'être impliqué dans un meurtre potentiel. Supposedly a potential murder, and he was supposedly driving the getaway car, but they couldn't find anything to convict him. Ils l'ont laissé aller, libre. Il a été un citoyen modèle pendant 30 ans, travaillant pour la compagnie de téléphone. Pour je ne sais quelle raison, ils ont rouvert le dossier 30 ans plus tard et ont décidé de le condamner. Donc après 30 ans à ne rien faire de mal, ils l'ont mis dans une prison à perpétuité. Son nom, c'est Kamel Siddiqui. Et donc, depuis, sa fille essaye de l'innocenter. Ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'après 30 ans, tout d'un coup, son père a été jeté en prison. Et donc voilà qui il était en train d'interviewer. Elle est considérée comme une panthère cub, bébé panthère. Ce sont les enfants des Black Panthers. Et il y a un large groupe de soutien autour d'eux. Jessica, quand vous étiez adolescente, parliez-vous de tous ces problèmes avec vos parents ? C'était facile de poser des questions, de débattre ? Pour information, mon père faisait partie des Neufs de Little Rock, donc je suis une enfant du mouvement des droits civiques. Vous connaissez les Neufs de Little Rock ? Les 9 étudiants que le président a fait protéger par la garde nationale pour qu'ils puissent se rendre dans leur école qui pratiquait la ségrégation. C'était en 1957. C'est comme l'histoire de Rosa Parks. Il y a beaucoup de figures clés dans ce mouvement des droits civiques. La lutte continue. Ce n'est que la version moderne de ce pourquoi mon père s'est battu en 1957 quand il avait 15 ans. Des choses ont-elles changé ces 30, 40 dernières années ? Did things change on this issue or not at all? Yeah, I think so, but not enough. Oui, je le crois, mais pas assez. Des choses ont changé, et je crois qu'il y a de nouveaux défis et de nouvelles menaces et de nouvelles pressions qui existent maintenant au XXIe siècle. Et je crois qu'il y avait à cette époque des problèmes et des pressions, mais comme une ancienne activiste me l'avait dit dans les années 1960, encore une fois, il s'agit de l'histoire humaine, c'est ce que les peuples possèdent. Que ce soit Black Lives Matter ou Occupy Wall Street ou le printemps arabe ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on fait. On se tient debout contre nos oppresseurs, c'est ce que nous faisons depuis le début des temps et que nous continuerons à faire. Et c'est un bon combat, c'est le combat pour la justice, c'est le combat pour la liberté et l'équité. Et ce combat continue, bien qu'il ne soit pas facile. Et oui, l'histoire n'est pas complètement linéaire, parfois elle s'apaise, écoule, ça va et ça vient. Ça reste un défi, mais on ne peut pas baisser les bras parce que les défis existent. C'est ça, être humain. Vous continuez à aller de l'avant. Je m'appelle Lisa Cortez, je suis réalisatrice, artiste, productrice de films dont Precious, et je suis de Harlem. En tant que réalisatrice, productrice et activiste, comme vous présentez, est-ce que vous participez d'une manière ou d'une autre à ce débat aujourd'hui aux États-Unis sur la question des Afro-Américains? Et si oui, de quelle manière? The films I make, les films que je fais sont fidèles à mon ADN. En tant qu'individu qui appartient à la diaspora afro-américaine. Une diaspora qui n'est pas seulement aux États-Unis, mais partout, tout autour du globe, qui se fait défier dans ce climat politique où le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, où tout semble avoir un passé à raconter, à faire et à utiliser dans le but de tuer des frères et des sœurs. Donc, comme l'art, l'activisme, réveiller les gens n'est pas seulement mon histoire individuelle, c'est mon histoire personnelle. L'église de mon grand-père, qu'il a créée dans les années 1940, est à trois blocs d'ici. Il a travaillé avec Eleanor Roosevelt, avec Adam Clayton Powell, et tellement de personnes en tant que jeune pasteur et théologien. Il a fait des sacrifices pour moi, afin que je puisse faire des films qui, espérons-le, vont perpétuer cet héritage et ces messages de prise en main et de justice sociale. On parle beaucoup concernant Black Lives Matter, le mouvement aux États-Unis aujourd'hui, d'une musique qui correspond et qui soutient ce mouvement. Y a-t-il la même chose, le même processus concernant le cinéma, le théâtre, la création artistique ? Je crois aussi qu'il y a une similarité thématique pour Black Lives Matter et les arts. J'aime à l'appeler théologie de la libération. C'est à propos des revendications et des libertés. Donc que ça ait été le hip-hop originel de Fight the Power, vous savez, par Public Enemy, ou que ce soit Birth of a Nation et l'histoire de la rébellion de Nat Turner et la réclamation du contrôle de sa personne. C'est ça qui est l'actualité excitante, parce qu'il s'agit de débats qu'on avait enterrés et dont il ne restait que des lambeaux et des restes pourris. Et il faut que nous les rouvrions pour que notre humanité, et spécifiquement la préciosité de la vie des Noirs, soit comprise. Si vous deviez produire un film aujourd'hui sur la question des droits civiques, la question du racisme, quelle serait l'histoire de ce film ? Vous avez d'argent pour ce film ? On peut le chercher, Ou est-ce qu'il serait possible de trouver de l'argent pour produire un tel film ? Eh bien, la raison pour laquelle je vous demande si vous avez de l'argent pour un tel film est que l'argent détermine l'histoire que l'on peut raconter. Si vous voulez raconter une superbe histoire sur Harriet Tubman, j'ai besoin de fonds pour reproduire le monde tel qu'il était à l'époque. Si j'ai envie de faire un petit court-métrage ici, c'est très différent. J'aimerais faire un film sur certains des grands poètes qui parlent et qui écrivent de nos jours. Et combiner ça avec quelques-uns des meilleurs artistes, allant de Micheline Thomas à Kerry James Marshall. Ce serait une rencontre fantastique. Si je devais faire quelque chose avec un peu plus d'argent, des euros, c'est ça? J'aimerais jeter un coup d'œil aux histoires dans cette nouvelle anthologie, The Fire This Time, que Jasmine Ward a assemblée. Parce que je pense qu'il y a de grands personnages, réels ou fictionnels, qui donne l'expression à un large panel de représentations et de conversations qui ont besoin d'avoir lieu. Robert O'Malley, vous êtes un grand spécialiste de littérature et de jazz. J'enseigne un cours intitulé Jazz et culture. Le jazz dans la culture américaine. Et on se penche sur le jazz et la littérature, le jazz et la peinture, ainsi que sur le jazz et les films. Donc ils ont déjà eu des cours de l'histoire de jazz, et maintenant nous essayons de voir quel a été l'impact de la musique sur quelqu'un comme Baldwin, ou Raphaël sous Toni Morrison. On parle beaucoup d'une sorte de playlist, music playlist de Black Lives Matter, extrêmement variée, hétéroclite, avec des jazzmen, du rap, du hip-hop, des musiques électroniques, des musiciens, des chanteurs, qui se mettent aujourd'hui, semble-t-il, avec beaucoup de force et de conviction, au service de ce mouvement. Ces notes de protestation existent donc toujours aujourd'hui. Il y a un poète qui s'appelle Nathaniel Mackey qui a fait une lecture à la dernière édition du Vision Festival dans le centre-ville. Ce poème s'intitulait I can breathe, but I could blow. Je n'arrive pas à respirer, mais je peux souffler. Et ensuite, Ben Webster, avec un son plein de souffle, a joué des morceaux de Lucky Thompson et d'autres morceaux de musiciens que je ne connais pas. Et il a dit que la volonté des joueurs de jazz à vous faire entendre les inspirations et expirations est une célébration même de la vie malgré tout. Is a celebration of life itself in spite of everything. So the lyricism of Lester Young. De fait, le lyrisme d'un moins bon ou d'un jeune, et même de Billy, donne une idée de cette aspiration dont tu parles. C'est certainement une réponse à l'écho du son I can't breathe. Je ne peux respirer. Ce qui, je pense, pour quiconque d'entre nous ayant vécu ce moment ne pourra être oublié. Les gens parlent du 11 septembre et ils n'oublieront jamais le 11 septembre, mais les images de ces personnes se faisant tuer, et particulièrement dans ce poème I Can't Breathe, a un lien à nouveau avec Baldwin. Parce que les images sont encore et encore de toi, étant enfermées et suffocant, étant poussées au fond d'un trou où tu ne peux supporter la pression et dont tu ne peux que sortir de manière explosive si tu le peux. Sinon, tu t'es battu jusqu'au fond et tu ne peux pas te relever. Donc de toute manière, moi, j'entends dans le son de toute cette musique contemporaine l'emprunt de la vitalité malgré tout. Je crois qu'il est incroyable que les Noirs américains soient toujours... Vous allez dans Harlem et il y a tant de vitalité dans les rues, chaque nuit. Et je vois un incroyable cadeau dans la culture qui dit... Ok, donc malgré tout, j'ai beau entendre ma femme se faire appeler par un autre homme, je répondrai tout de même, comme chaque fois. Ce n'est pas seulement rire pour ne pas pleurer, mais quelque chose de plus profond. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais une partie de la réponse est qu'en remontant à Baldwin, à ce qui fait Jimmy Witherspoon la personne qu'il est, ou à Billie Holiday, on arrive à un fait qui est très profond et qui refuse de baisser les bras. We get to a place that's very deep and that refuses to give up. I think je crois if you collected the pieces que si vous rassembliez les morceaux de musique écrits après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans by Terrence Blanchard par Terrence Blanchard par Michael White, ce sont des choses magnifiques. By the Marsalis, par Marsalis aussi, et ensuite tout ce qui traverse les catégories, rhythm and blues, blues, rap, ce que vous récoltez est une bande-son des problèmes sur le territoire, ainsi que de la détermination à invoquer la résistance qui va être nécessaire à la reconstruction de cette ville et du pays. Pour moi, la tempête a repoussé le voile au-dessus des États-Unis et a fait apparaître une nation qui n'en avait que faire des pauvres, qui n'en avait que faire des Noirs et qui les a laissés construire les maisons dans la boue. Et cette métaphore retentit en moi comme l'une ou des personnes disait que les gens de cette communauté, les gens de ce niveau socio-économique, les gens de cette couleur comptent. Et je pense que la bande-son pourrait émaner de ça. Clickety-clack! I want my spirit back. Clickety-clack! Bubble music being seen and heard on Saturday night. Blinding the eyes of ones that's supposed to see. Bubble music being played and showed throughout America. Clickety-clack! Clickety-clack! Somebody's mind and got off the goddamn track. Clickety-clack! Clickety-clack! Won't somebody bring the spirit back? You didn't know about John Coltrane and the beautiful ballad he wrote, wait a minute, and the beautiful ballad he wrote called After the Rain. You didn't know about Lady Day and all the dues that she had to pay. The Beatles come into the country, they take all the bread while the police hitting black and white folks upside their heads. I I'm Daryl McNeil. I'm director of operations for the Black Rock Coalition. Je suis Daryl McNeil. Je suis le directeur des opérations pour la Black Rock Coalition, BRC. BRC est une organisation non lucrative fondée en 1985 par un groupe de musiciens, d'artistes, de créateurs qui ressentaient qu'il n'y avait pas de place à la table, pas d'espace à la fin pour eux dans le monde commercial de la musique. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de ségrégation et de stratification concernant ce qu'un artiste est censé faire et quel type de musique il est censé jouer. On sait qu'historiquement, le rock and roll est issu de la communauté afro-américaine, de la culture afro-américaine. Et au cours des décennies, depuis disons la fin des années 60 et début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, les Afro-Américains ont été largement retirés du monde du rock'n'roll et relégués au jazz, au R&B, blues, rap, gospel. Rap, hip-hop, gospel, music. De la musique qui était plus ou moins considérée comme de la musique noire traditionnelle. Ceci afin de faire de la place pour vendre le rock'n'roll et la musique pop à un public surtout blanc. Pop music to largely white audiences. Donc nous avons trouvé nécessaire de s'organiser culturellement, politiquement et économiquement, afin d'attirer l'attention sur le fait que ce genre de musique vient de nous, que d'une manière ou d'une autre, quasiment toute forme de musique américaine à succès prend ses racines dans la culture noire. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis à une époque que certains appellent l'époque de Black Lives Matter, donc une vie noire compte, a de l'importance. Quel est ou quel devrait être le rôle de la musique, qu'elle soit noire ou pas, et du rock en particulier, à cette époque-là, à l'époque de ce combat-là? Je crois qu'une chose importante dont il faut se souvenir est qu'il y a eu particulièrement dans la culture afro-américaine une histoire de protestation liée à notre expression créative qui remonte aux chansons de travail que les esclaves chantaient juste pour garder cet esprit collectif. Et à mesure que la condition des Noirs a évolué, ce moyen d'expression, de résistance et de protestation a évolué lui aussi. Et encore une fois, nous avons été historiquement très actifs dans nos discussions à propos de nos ressources et de notre condition. Nous pouvons faire une avance rapide jusqu'au hip-hop, en particulier le hip-hop du milieu des années 80, au début des années 90. Nous pouvons prendre l'exemple de The Message, des Grand Master Flash and the Furious Five, et du titre White Lines, qui sont directement reliés à des groupes tels que Public Enemy, NWA, Paris, et peut-être même dans une moindre mesure à Tupac. Mais notre musique a toujours été un corollaire ou une discussion de notre condition collective. Ça a toujours été là, ça fait partie de notre ADN. Et la seule différence maintenant, c'est que c'est en train d'attirer plus d'attention via les réseaux sociaux, via les débats qui ont lieu, l'actualité, les médias. En soutien à Black Lives Matter, la Black Rock Coalition a décidé de jouer en concert l'album de Sly and the Family Stone, Riot is Going On, une émeute est en marche. L'album du groupe californien date de 1971, alors que les tensions raciales étaient à leur comble. « One of Sly's famous quotes was, "Don't hate the black, don't hate the white. If you get bit, just hate the bite. L'une des célèbres paroles de Sly était « Ne hais pas le noir, ne hais pas le blanc. Si tu te fais piquer, aie simplement la morsure. Assure-toi que ton cœur soit juste. » Et ça, c'était la chose la plus optimiste qu'on ait vue chez Sly. Mais le mouvement hippie était en désordre. Le mouvement hippie était en train de s'éparpiller parce que les gens ne voyaient pas de retour sur investissement d'une certaine manière. L'investissement et l'ensemble des espoirs, ni même les optimismes et les rêves. Et ne se réalisait pas parce qu'il y avait trop de forces obscures qui étouffaient la lucidité américaine. L'Amérique était très sombre après l'assassinat de Martin Luther King. Parce que vous devez garder en tête que, pas longtemps après l'assassinat du Dr. King, Bobby Kennedy fut lui aussi assassiné. Or, d'une certaine manière, il représentait beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves et d'ambition pour la jeune génération qui allait suivre. Et à la place, nous nous sommes retrouvés avec Richard Nixon. Il y avait aussi la guerre du Vietnam qui a plongé beaucoup de monde dans le noir. Vous avez l'émergence du Black Arts Movement avec des personnes comme Gil Scott Heron et les Last Poets. Nina Simone, qui commençait tout juste à trouver sa force politique. Le climat politique commençait à devenir très oppressant, contraignant. C'était clairement un climat d'oppression. Et à bien des égards, la raison pour laquelle nous avons décidé ensemble de fêter, du moins d'attirer l'attention sur cet album, c'est parce que nous nous trouvons actuellement dans une situation très similaire. Et il était très important pour BRC d'accuser le coup, en particulier en partenariat avec BLM, Black Lives Matter, ce qui ne veut pas dire que nous nous intéressons qu'à Black Lives Matter, mais nous ressentions qu'il était important d'accuser le coup, main dans la main, avec Black People, Black Lives et Black Agency. It's now. We're really heavily in the middle of the next big civil rights movement. Right now is the time to change, and I think that's happening. Nous sommes au Centre Kimmel pour la vie universitaire à l'Université de New York. Je suis Tyla Leach, la responsable des réseaux sociaux du Bureau des étudiants noirs. Et je suis Michelle Jones, la responsable de l'action politique du Bureau des étudiants noirs. J'ai 19 ans. J'ai 18 ans. Tyla, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste une Black Student Union à l'université ? Alors la Black Student Union est une organisation pour les étudiants noirs sur le campus. C'est pour nous un endroit où l'on peut trouver une communauté, où l'on peut parler de nos expériences en tant que noirs dans une université majoritairement blanche, et où l'on peut venir ensemble pour trouver des ressources ou opportunités, et juste pour partager l'expérience avec les uns et les autres. Je crois que c'est important ici parce qu'il y a tellement de différents types de personnes aux États-Unis. Il y a des gens venant de partout, surtout à l'Université de New York. Il y a des étudiants qui viennent de plus de 60 pays, il me semble, dans cette école. Donc parfois, ça peut être difficile de trouver des personnes qui partagent vos expériences. Donc pour moi, le Black Student Union a été un lieu où j'ai pu avoir une famille loin de ma famille. C'est un endroit où je sais que je peux aller trouver quelqu'un et qu'ils comprendront ce que j'ai traversé parce qu'eux aussi ont grandi dans des conditions understand things that I've gone through because they've grown up a similar way that I have. De quoi discutez-vous, sur quoi échangez-vous lorsque vous vous rencontrez dans le cadre de cette association? We talk about a lot of different things. We do different meetings every week. Nous parlons de beaucoup de choses différentes. Nous faisons beaucoup de rencontres chaque semaine. On parle de choses allant de la culture pop à la cuisine, jusqu'à des choses comme le racisme. Et vous êtes au courant du climat politique aux États-Unis. Oui, nous essayons de couvrir tous les aspects de ce que c'est d'être à la fois noir et américain, noir à New York et noir au sein de cette université. Nous pourrions parler de beaucoup de sujets divers et variés. Et je crois que c'est important qu'il y ait un tel panel de sujets dont nous pouvons parler. Rien n'est interdit. Quand nous parlons entre nous, nous sommes très ouverts les uns avec les autres et nous sommes capables de parler de tout, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres personnes en fonction de qui est autour ou du sujet abordé. Quel est votre principal sujet de discussion ces dernières semaines ? En fait, l'année scolaire vient de commencer. Donc pour le moment, nous essayons de rencontrer les nouveaux étudiants et de les informer qu'ils ont une communauté ici. Pour beaucoup d'étudiants, ça a été très dur de s'ajuster. Ils ont souvent déjà eu à faire face à des situations de racisme ou ont eu l'impression de se faire discriminer ou de ne pas se sentir à leur place. Donc là, je suis en troisième année et Michel est en deuxième année. Donc nous parlons aux étudiants de première année pour essayer de leur faire savoir qu'ils ont une communauté avec nous et qu'ils ne sont jamais seuls quand ils subissent ce genre de situation. S'agit-il pour vous, en adhérant à cette association, Black Students Union, de faire acte d'activisme politique ? Nous organisons des activités politiques. Nous pensons en effet qu'il est important de prendre la parole à propos de différentes choses qui sont en train de se passer en politique, parce que nous savons que c'est important pour nos membres. Quand toutes ces manifestations de violence policière étaient en train de se passer, nous envoyons toujours un message à nos membres pour leur dire, par exemple, « Faites bien attention à vous avant tout et soyez prudents quand vous allez manifester. » Il y avait toujours des moments pendant nos rencontres où les gens voulaient parler de ces choses-là. Parce que bien que nous soyons un groupe pour les loisirs, nous formons une communauté pour s'assurer que les personnes noires ici se sentent bien et sentent qu'elles peuvent s'exprimer tout haut sur ce que nous sommes en train de subir. Donc une grande part de ça implique d'être politiquement au courant et c'est pour ça que nous avons Michel, qui est notre responsable de l'action politique. Oui, mon rôle est responsable de l'action politique. Une partie de mon travail est d'être préparé afin que si un fait a lieu, comme un autre acte de violence policière ou quelque chose d'autre, il est de mon ressort de décider s'il est nécessaire ou non d'accuser le coup avec un événement ou quelque chose pour que les étudiants voient que l'on est engagé et que l'on fait savoir notre positionnement à ce propos. Donc déjà, à la New York University, il y a eu le blackout, qui est un jour pendant lequel tous les étudiants se sont vêtus de noir en solidarité avec le Mizzou College, qui traversait alors des temps difficiles. Il y avait des actes de racisme et de discrimination sur leur campus. Donc afin de montrer notre solidarité, les étudiants se sont habillés en noir et sont sortis des cours à une certaine heure et se sont retrouvés ici. Et ont participé à une rencontre sur la diversité, pendant laquelle nous avons parlé de ces problèmes. Un autre événement que nous avons eu fut le Dying, pour lequel des étudiants sont allés à Bob's, notre bibliothèque, et se sont allongés par terre dans l'entrée de Bob's en solidarité avec Eric Garner, qui était un homme qui s'est fait attaquer et tuer par un officier de police du NYPD. Donc voici une partie de mon travail. Une autre partie de mon boulot consiste à envoyer des emails bi-hebdomadaires avec des résumés de l'actualité autour du globe et dans nos communautés pour que les étudiants et autres personnes soient informés de ce qui se passe, afin que nous puissions être éduqués, afin que nous sachions ce que nous devons faire. Surtout avec l'élection qui se profile, c'est très important pour nous de rester au courant et éduqués et de prendre les meilleures décisions pour nous et notre communauté, parce que c'est extrêmement important. Tila et Michel, quelles seraient pour vous les principales différences entre le mouvement des droits civiques aux États-Unis d'il y a encore quelques années et de ce qui est en train de se produire aujourd'hui à travers des associations sur les campus, des mouvements de protestation, de regroupement qui sont de plus en plus nombreux ? Pour moi, la différence, je crois, est que nous avons les réseaux sociaux. Je suis la responsable des médias et réseaux sociaux, et donc je suis à fond sur ce qui se passe sur Internet. Je crois que le pouvoir de toutes ces choses a vraiment provoqué un changement. Avant, ça dépendait beaucoup du bouche à oreille et de ce que vous voyez à la télévision. Et vous deviez en quelque sorte faire confiance aux journalistes ou à votre téléviseur. Et maintenant que l'information est entre nos mains, vous pouvez aller sur Internet et trouver une vidéo à la source de ce qui s'est passé, au lieu de faire confiance à ce qu'un article vous a dit ou ce qu'un policier vous a dit. Vous pouvez cliquer sur un hashtag et trouver des centaines de points de vue différents. Et je crois que le pouvoir des médias et des réseaux sociaux a définitivement fait changer le mouvement. Ma grand-mère faisait partie du mouvement pour les droits civiques, et ses amis et la jeunesse étaient impliqués. Et elle me disait toujours, quand j'étais dehors en train de manifester, « Vous, maintenant, vous faites les choses d'une manière tellement grande parce que vous avez cette information au bout des doigts, et je crois que c'est incroyable. » Pour un noir américain, à partir du moment où vous naissez, chaque bâton, chaque pierre, chaque visage sont blancs. Et comme vous n'avez pas encore vu de miroir, vous partez du principe que vous l'êtes aussi. Et le choc est grand lorsque, vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans, vous découvrez que le drapeau auquel vous avez prêté allégeance, comme tout le monde, ne vous a pas prêté allégeance à vous. Et le choc est grand lorsqu'en regardant Gary Cooper éliminer les Indiens alors que vous êtes de son côté, vous comprenez que les Indiens, c'est vous. Et le choc est grand de découvrir que le pays où vous êtes né et auquel vous devez votre vie et votre identité n'a pas, au sein de son système de réalité, ménagé une place pour vous. C'est alors qu'apparaissent la désaffection et le fossé entre les gens, sur la seule base de leur peau, lesquels s'accélèrent tout au long de votre vie. Vous réalisez que vous avez 30 ans et que votre vie est misérable. Vous avez connu bien des moments difficiles, mais l'effet le plus grave n'est pas, encore une fois, cette longue série de catastrophes, le policier, le chauffeur de taxi, les serveurs, la propriétaire, les banques, les compagnies d'assurance, les millions de détails qui, 24 heures sur 24, vous expliquent par le menu que vous n'êtes qu'un bon à rien. Non, l'effet le plus grave n'est pas ça. Il est celui que vous commencez désormais à percevoir chez votre fille, votre fils, votre neveu ou votre nièce. Vous avez maintenant 30 ans, et rien de ce que vous avez fait ne vous a permis d'échapper au piège. Pis encore, rien de ce que vous avez fait, et vraisemblablement rien de ce que vous pourriez faire, n'empêchera votre fils ou votre fille de connaître la même calamité et d'aboutir à la même fin. Il y a 50 ans, James Baldwin a écrit un livre qui s'appelle « La prochaine fois le feu ». Et il y a quelques mois, un collectif de jeunes auteurs américains a publié un livre qui s'intitule « Le feu maintenant ». Que pensez-vous, quel titre selon vous plutôt, serait le plus pertinent aujourd'hui dans l'Amérique de 2016 ? « La prochaine fois le feu » ou « Le feu maintenant » ? Je crois que c'est maintenant. Je crois que nous sommes vraiment en plein milieu du nouveau mouvement des droits civiques. Je crois que nous grandissons tellement et que maintenant, le temps est venu de changer. Et je crois que c'est en train de se faire. L'avenir du noir dans ce pays est précisément aussi lumineux ou aussi sombre que l'avenir du pays. C'est au peuple américain seul et à ses représentants, c'est au peuple américain seul de décider si oui ou non il va regarder en face et embrasser cet étranger qu'il a si longtemps calomnié. Ce que les Blancs doivent faire, c'est chercher en eux-mêmes pourquoi il leur a fallu créer le nègre au début. Parce que je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous croyez que je suis un nègre, c'est parce que vous en avez besoin. La question qu'il faut se poser, et qu'il faut que la population blanche se pose au nord ou au sud, parce que c'est le même pays, et pour un noir, il n'y a pas de différence entre le nord et le sud. La seule différence, c'est dans la façon de vous châtrer. Mais la castration elle-même est un fait valable pour toute l'Amérique. Si je ne suis pas un nègre ici, et si vous l'avez inventé, c'est vous les Blancs qui l'avez inventé. Alors il faut que vous trouviez pourquoi. Et l'avenir du pays en dépend. S'il est capable ou non de répondre à cette question. C'est avec James Baldwin, qui répondait aux questions de Kenneth Clark en 1963, que nous refermons ce documentaire. Avec Robert O'Malley, professeur d'anglais et de littérature à l'Université de Columbia, Earl Douglas et Darrell McNeil, de la Black Rock Coalition, Roy Messinger, réalisateur, Jessica Green et Erika Dilde, du cinéma Maysles, Jaden, étudiant, Lisa Cortez, productrice de cinéma, Michelle Jones et Tyler Leach, de la Black Student Union de l'Université de New York. Merci aux voix de France Culture pour les doublages. Merci à Robert Worth et June Raclet. Lecture, Georges Kless. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Philippe Brodin et Clotilde Thomas. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. I Can't Breathe, Je ne peux pas respirer, par François-Xavier Trégan et Ravik Zénine pour la série documentaire. New-Yorkaise, habitant de Brooklyn, jeunesse de Harlem, fillette du Queens ou vieillard du Bronx, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Ellis Island, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs pour nous écouter partout, tout le temps, et nous parler sur Twitter et même sur Instagram.